métro, ça se passe en août, les moncoleux, le Valentrée, numéro 21. Tu sens déjà la puissance juste à l'entrée. Ça sent la mer, ça sent la plage, ça sent la team. Dans mes couplets, je peux pas décrire ce que tu ressens sur la digue. Mobilhome, parce que c'est trop dur de vivre en tente. Prévenez le gérant et les gens, car le soir tu vas nous entendre. Si le soir y'a un match, on ira le matin au Lasco. On traîne, on boit des vagabonds comme Brasco. Toujours là, j'ai levé mon verre sur la photo des vaincus secs. Parisien vacancier, donc direct on nous accuse. Le pâte rosé bloque le verre, je suis pas mort, mais quasiment. Un jour, moi aussi, j'irai chanter devant le casino. Vous pensez pas à ce péta, les meufs sont toutes pétables. Après notre passage, faudra leur dire de changer les tables. Tu te rappelles qu'on était là, face à la mer devant le banc. Et gros, viens pas avec nous, c'est comme Nico, tu deviens un blanc. Où que tu ailles, si tu viens de Paris, les flics sont des gitans qui te suivent. Et si les keufs, tes cuisines rouges, tu jures, j'entends des potes qui cuisent. En fin de soirée, on plane, et puis les lendemains, j'comate. Sur la plage, y'a pas de meufs saines, et juste des pillages comme Anne. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? On était assis là, face à la mer devant le banc gros. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? On était assis là, face à la mer devant le banc gros. La côte du retour est longue comme un mètre de choupiteau. Tant de frissons, tant de souvenirs, faudra de vie pour que j'oublie tout. Comme d'habitude, ça tape la balle. Face aux Bretons dans les tournois, ils font les fous. Mais dis-moi, est-ce que t'as vu une tour? Toi, ils se bourrent la gueule n'importe comment. Jamais je ferai ça comme eux. La Bretagne en vue, ça fout la pêche comme un P52. T'auras la côte, mon pote, si t'es lover comme Kiss Kiss. Orfait le montant, si là, t'es pion de tease, ok, it's be. Et gros, si t'as pas peur, viens sauter avec nous de la 10. T'en touches un, fais gaffe aux 5 autres. Kevin te l'a dit, la chicha, est-ce qu'il fallait, tu sais comment. On se met à l'aise, ce que tu ressens est si gros, c'est ouf comme Ken sur la falaise. Tu sais, dans ma tête j'fais mal, mais à Paris j'ai laissé ce poids. J'ai fumé, j'ai toussé, puis j'ai déprimé sur le banc du désespoir. J'oublierai pas, tu te souviens de nos 5 délits pour me faire croire que j'y suis encore. J'suis obligé de boire des litres pour immortaliser ça, y'a que nos mémoires, pas d'appareil. Mais il manquait quelqu'un, paix tout sans toi, c'était pas pareil. On s'en ferait avec le vent et nos garettes si à la menthe. Le Valentré qui s'éloigne, c'est trop dur de balayer le 30. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? On était assis là, face à la mer devant le banc gros. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? On était assis là, face à la mer devant le banc gros. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? On était assis là, face à la mer devant le banc gros. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? On était assis là, face à la mer devant le banc gros.